À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti de travail de Corée, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec Tsan 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des Jujutsu ont publié une déclaration commune le 4 octobre.